Bienvenue au Rust Barbecue Ride Skillbird mais au bluff. Bienvenue au Rust Barbecue Ride Skillbird mais au bluff. Bienvenue au Rust Barbie. Je me souque la part sans pis, j'ai piégé le sol avec des mines planquées. Les invités, ils dansent ou sont évaporés. C'est l'été, viens chez Rider Skill. Grillade loot, mais dans le feu, tant pis. Évaporer. C'est l'été, viens chez